crazy. On va essayer de faire. She drives me crazy. Ooh, thank you. Okay. I want to sing. Ça fait une version. Ah merde, c'est où les paroles? She drives me crazy. Oh. Are you ready? I can't stop. Je me rappelle plus les paroles. Step around, tell me what you got in mind. 'Cause we're running out of time. Ever set me free? This wedding wrong, calling me. She drives me crazy. Oh, I'm sorry, I don't remember this song. The drum. I'm the king of the drums. vous présente tous mes frères, mes clones qui sont en train de chanter avec moi. Et je dédie cette chanson à tous les gens qui m'aiment pas, pour leur dire je m'en fous. Merci, Magdalena. Et bienvenue dans le monde des trolls. Le troll, c'est ça. Le troll, c'est celui qui fait. On pourrait faire un tube cette chanson, King of the Troll. J'en profite pour remercier celui qui a créé Jam Taba. C'est vachement bien.